Moi si non gars senti bon. C'est la tangue qu'on quitte Moto balana. Est-ce qu'on peut qui qu'on supporte ma tambo va bouti basa la gana ma fouela. Ibo sova linga kate Yami bale baina ganga iloko na nyama. Ibo sova linga kate Yami bale baina ganga iloko na nyama.